Chapitre 15. Dans les rues de Paris que le marquis traversait au hasard de ses courses, les grandes affiches jaunes, annonçant la vente de Mademoiselle Emma Lajolet, lui sautaient aux yeux. Partout, contre les murs, contre les clôtures, les mots « mobilier moderne »,« diamant », »,« dentelle », »,« exposition » forçaient son attention. Il semblait, pour lui au moins, qu'il n'y eût qu'une affiche dans Paris, celle-là précisément qu'il eût voulu ne pas voir. Chaque fois qu'il apercevait ces affiches, une sorte de honte le prenait. Elles étaient un remords pour lui. Il eût dû empêcher cette vente et désintéresser les créanciers. Mais la crainte de se trouver en contact avec Otto, ou tout au moins d'être mêlé aux affaires du gymnasiarque, l'arrêta. Il y avait là pour lui un dégoût invincible. Décidé à laisser cette vente se faire quand même, et à se conformer ainsi, malgré lui, à la volonté nettement exprimée par Emma Lajolet, il voulut cependant que les enchères publiques ne dispersassent point tout ce qui avait appartenu à la comédienne, sans leur arracher un objet quelconque qui fût un souvenir pour Denise. Plus tard, elle serait heureuse, sans doute, d'avoir quelque chose lui venant de sa mère. Mais quelle chose? Le choix était difficile et, plus encore, délicat. Il devait rappeler la mère et non la femme. Un bijou, c'était impossible. Un livre, Emma avait-elle des livres, et lesquels? Quoi qu'il lui en coûtât, il prit le parti d'aller à cette exposition que les affiches annonçaient à tout Paris. Son choix fait, il donna une mission au commissaire-priseur de lui acheter l'objet auquel il serait arrêté. Lorsqu'il arriva devant l'hôtel des ventes, il trouva dans la rue de Rouault et dans la rue Rossini une double ligne de calèches et de coupés qui stationnaient là. Les cochers sur leurs sièges et les valets de pied devisaient gaiement entre eux. À la tenue des valets de pied, à la majesté des cochers, à l'élégance confortable des voitures, à l'aspect général des chevaux, il était évident, pour qui savait voir, que le plus grand nombre de ces équipages avaient amené là des gens du vrai monde. À la porte, les affiches jaunes, Emma Lajolet, mobilier, diamants, dans le vestibule, les mêmes affiches. Où avait lieu cette exposition? Il n'avait jamais lu que les mots en grosses lettres. Il s'approcha d'une affiche pour trouver la désignation de la salle. Devant lui, une jeune fille, une demoiselle de magasin, élégante et coquette, se tenait, le nez collé sur cette affiche. Il fut obligé d'attendre qu'elle s'écartât pour lire à son tour. Mais dans la lecture de la jeune fille, il y avait plus que de l'attention. C'était à croire qu'elle était fascinée par les lettres qui brillaient devant elle et que le mot « diamant » lançait des feux qui l'éblouissaient. Les diamants d'Emma Lajolet, cette comédienne qu'elle avait vue jouer quelques mois auparavant. Elle était laide, cette Lajolet, au moins elle était vieille, tandis qu'elle... À ce moment, un vieux monsieur à l'air vénérable, tête de patriarche couronné de cheveux blancs, qui se tenait aussi devant l'affiche, se pencha sur le cou de la jeune fille. « Hé hé !» dit-il à voix demi-étouffée, « des diamants, ça peut se gagner facilement. » Elle se retourna vers celui qui venait de parler, et dans ce mouvement, elle montra un visage d'une gentillesse parisienne vraiment adorable. D'une main à laquelle brillaient deux gros diamants, le vieux patriarche indiqua le nom d'Emma Lajolet, et les yeux sur ceux de la jeune fille, il se mit à sourire silencieusement, la bouche entrouverte, la lèvre inférieure pendante, les narines dilatées. C'était au premier étage que l'exposition avait lieu. Le marquis, sans plus s'occuper de cette scène de tentation, monta l'escalier. Il voulut se hâter, car il avait honte d'être rencontré là par quelqu'un de connaissance. Mais l'escalier était encombré par un double courant, l'un qui montait, l'autre qui descendait, et bon gré mal gré, il fallait suivre. Comme dans cette foule, il se trouvait un certain nombre de personnes de connaissance, on s'arrêtait en se rencontrant, et alors les deux courants se mêlaient, ceux qui montaient et qui allaient voir interrogeaient ceux qui descendaient après avoir vu. « Eh bien, je vous recommande une robe de velours marron garnie de fourrure de renard bleu, très jolie, très riche. On m'a parlé d'un ameublement de boudoir, peut-on le regarder? En soie verte, étonnant. » Contre les murs de la salle étaient tendus les rideaux de fenêtres et les portières, puis ça et là, mais en bon ordre, étaient placées les différentes pièces du mobilier. En entrant dans cette salle, le marquis eut le cœur serré, et son premier mouvement fut de retourner en arrière, mais un flot de nouveaux arrivants le poussa en avant. Si la circulation s'était faite avec régularité, la foule, qui devait entrer par une porte et sortir par une autre, eût pu défiler assez rapidement. Mais on s'arrêtait pour tâter un meuble ou manier une étoffe, tourner et retourner une robe. On s'arrêtait surtout pour causer, pour se communiquer ses impressions, pour s'interroger, pour rire, pour bavarder, pour blaguer. Et alors il se faisait des arrêts. On piétinait sur place, sans pouvoir avancer. Malgré son empressement à sortir de cette cohue, le marquis ne pouvait avancer aussi vite qu'il le désirait. Sa grande taille et sa force lui eussent, il est vrai, permit de se faire place. Mais comme la plupart de ceux qui sont grands et forts, il mettait une extrême douceur dans ses mouvements. Comme il trouvait son chemin barré par un groupe contact, le nom d'Otto frappa son oreille. « Ah ça, mon cher, expliquez-moi donc, je vous prie, comment ce mobilier est aussi complet ?»« La Jolet était depuis quelque temps dans la gêne, il me semble. Comment se fait-il qu'il n'ait pas vendu son mobilier pièce par pièce, ses diamants, ses bijoux, ses dentelles ?»« C'est que le jeune Otto, qui a une certaine expérience malgré sa jeunesse, voulait avoir ce mobilier complet. Pour cela, il s'était fait consentir par la Jolet une vente fictive, qui, à un moment donné, l'aurait rendu seul propriétaire de tout ce qui est exposé là. » Mais à la requête des créanciers, il y a eu procès. La vente a été annulée et les saisies ont conservé en bloc ce qui eût pu disparaître en détail avec un peu d'adresse. Cette fable montre que qui trop embrasse, mal étreint. Et il embrasse beaucoup, le jeune Otto. Oh, beaucoup. Et même, il paraît qu'il étreint très bien. Seulement, ça, c'est autre chose. Mais j'aperçois la baronne Trouvet avec ses filles. Pardonnez-moi de vous quitter, il faut que j'aille la saluer. Elle amène ses filles ici. Elle les conduit partout avec elle. « C'est gentil. » La baronne Trouvet, qui, en sa qualité de faible femme, n'avait point les scrupules du marquis pour bousculer les gens, se faisait faire place. Quand les groupes ne s'ouvraient point devant elle, de la main, elle écartait les personnes qui l'empêchaient de passer. Au reste, sa tâche était assez facile, car en voyant entrer cette femme et ses deux filles, qui marchaient, roides et guindées, sur les talons de leur mère, il s'était produit dans la foule un mouvement de curiosité et l'on faisait haie sur leur passage. Avançant ainsi rapidement, elle arrivait jusqu'auprès du marquis. Là, le jeune homme qui avait parlé d'Otto l'arrêta avec de bruyantes démonstrations de politesse. « Ah, mon cher, je suis heureuse de vous rencontrer. Vous allez me guider au milieu de cette cohue. Quel drôle de monde !»« Mais il me semble qu'il y a là des représentants de tous les mondes. »« C'est là ce qui rend l'ensemble si drôle. Vous avez déjà vu cette défroque ?»« Oui. »« Alors, vous pouvez me la montrer ? On m'a parlé d'un boudoir très curieux. » « Le voici, précisément. » De même qu'elle s'était fait faire place pour arriver jusque-là, de même, elle sut écarter ceux qui la gênaient pour examiner les différents meubles de ce boudoir. Toujours sur ses talons, ses filles la suivaient sans dire un mot. « C'est là tout le mobilier de ce boudoir ? » dit-elle au jeune homme, sur le bras duquel elle s'appuyait. « Mais oui, vous voyez autre chose ? » ?»« Je me figurais autre chose. La batterie de cuisine est plus que médiocre. » « Mais vous savez bien, chère baronne, que ce ne sont pas les casseroles qui font la bonne cuisine, c'est la cuisinière. »« C'est égal. Il doit manquer quelques meubles là-dedans. »« Mais non, je vous assure. Voyez le catalogue. Meubles à deux corps, formant vitrine et étagère, le voici. Console en bois doré, la voilà. Étagère en bois de rose, c'est celle-là. Table à ouvrage, table de milieu, vous les voyez. Enfin, canapé, fauteuil recouvert en soie verte, les voici. »« On peut toucher ?» demanda la baronne. « Mais certainement. » Alors elle s'approcha du canapé et de sa main ouverte, elle appuya plusieurs reprises sur les élastiques. Puis se retournant vers son compagnon, « C'est exactement comme les nôtres, puisque ce n'est que ça. J'en ai assez. Allons-nous-en. » Et toujours suivie de ses filles, elle se dirigea vers la porte de sortie sans daigner jeter un coup d'œil aux meubles et aux objets de toilette devant lesquels elle passait. Cependant, malgré son assurance et son habileté à déranger les gens, elle fut bientôt obligée de s'arrêter devant une masse compacte qui formait un obstacle à peu près infranchissable. On se pressait, on se tassait, et les femmes qui étaient au dernier rang se haussaient sur la pointe des pieds pour tâcher de voir devant elles. « Qu'est-ce qu'il y a là ? » demanda la baronne. « Les robes, le catalogue en décrit 117. »« 117, ça, c'est mieux, voyons un peu. » Ému parce qu'il retrouvait de connu dans ce mobilier, écœuré parce qu'il entendait, le marquis allait se décider à sortir, se sentant incapable de continuer sa recherche, lorsque ses yeux tombèrent sur un piano qu'il crut reconnaître. Il s'approcha, il ne se trompait pas. Ce piano des rares, c'était lui qu'il avait donné autrefois à Emma. Son choix fut aussitôt arrêté, il ferait racheter ce piano pour Denise. Aussitôt il se hâta de sortir de cette salle et sans pitié il bouscula les femmes qu'il trouva sur son passage dans l'escalier. Il n'avait que du mépris pour ces honnêtes femmes, qui arrivait empressée, poussée par une curiosité malsaine. Que venait-elle chercher ? Pour un peu, il leur eût crié « Allez-vous-en, ce que vous faites est honteux !» En rentrant chez lui, on lui dit qu'une dame l'attendait depuis une heure dans le salon. « Quelle dame ? Elle a donné son nom ?» Le domestique tendit une carte. « Madame Clémence Beauchonnier,